son rayon de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, bon dia à la famille. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end un peu frisqué. Ouais. Vous avez fait la fête aussi, peut-être, hein, malgré les interdictions de danser, les boîtes fermées. On pense à vous très fort ce matin. On est en direct sur le 96.2 FM. Alors, des petits brouillages sur la FM ce matin. Les techniciens sont dessus. Ça devrait revenir dans la journée, au pire demain. Mais bon, vous pouvez nous écouter sur le net. Hein, vous tapez avec nous. Nouveau site qui est en cours, ça y est, qui est en création, qui est là, Arc-en-Ciel Orléans, et puis vous êtes en direct, hein, sur Google, vous tapez ça par exemple, heureux d'être là, salut David, salut Edouard, salut Jordi qui est là aussi, salut Joël, on est en live ce matin, ça me fait plaisir de vous retrouver. Vous pouvez nous appeler aussi 02 38 43 48 00 si vous laissez un message, un bon anniversaire à ma chérie qui est aujourd'hui, je ne donnerai pas l'âge, bon anniversaire, plein de gros bisous, salut David, en direct ce matin, 96.2 FM sur le net Arc-en-Ciel Orléans. Nos invités tout à l'heure au téléphone, on les aura depuis Blois, des ambulanciers qui sont en colère ce matin, et ouais, depuis une semaine déjà. On va sera avec un responsable, on sera en direct pour savoir leurs revendications sur le 96.2 FM. Les ambulanciers de Blois sont avec nous, et ouais, ça va me faire plaisir de les avoir, parce qu'ils sont pas contents, ils gueulent, ils veulent être augmentés, ils ont des conditions de travail un peu bizarres des fois. Et bien on aura une responsable au téléphone à 8h40 en direct sur le 96.2 FM. 7h01 côté météo, bah le ciel est plutôt couvert ce matin, nuageux avec quelques éclaircies mais très timides. Les températures au lever du jour, un petit degré, ouais ça caille, et on dépassera pas les 11 degrés. Voilà la bonne nouvelle. On parlera de Miss France aussi, ouais c'était samedi, ouais et puis le marché de Strasbourg aussi, une polémique qui vient courir avec plus de 120 000 personnes, ouais pas beaucoup de masques, beaucoup de gens collés les uns aux autres, ça fait polémique sur les réseaux sociaux. Du son au carré, on démarre avec La Sanio et celle sur Kizomba. Bon réveil, belle journée. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous nous appelez. On est en live. Salut David, salut Christelle, salut Steph. Last on you, 7h02. Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de dos, que lo sé yo. Smoking if you got it, cause it's going down. Todo lo que quiero eres tú. I never get to heaven cause I don't know how. Quédate y te amo por todo lo que eres tú. Oh, oh, oh, dime todo. salsa caliente dès 7h06. Ça fait du bien de se réveiller sous le soleil avec cette grisaille aujourd'hui. Avec Les Años, la version Cubanero. Et puis c'était samedi soir. Ouais. Samedi soir. Attention, mesdames Miss et messieurs. France 2022 et restera Miss Île-de-France. Et voilà. Miss Île-de-France, élue Miss France 2022, elle s'appelle Diane Lair. Alors elle adore le fitness, elle était dans l'immobilier, bah maintenant on va faire le tour de la planète, le tour de la France surtout. Et Miss France 2022, voilà, plein de gros bisous, c'est mignon, et tous les ans c'est pareil, mais c'est mignon, avec plein de monde aussi, c'est mignon aussi, voilà, elle se remet la couronne sur la tête, la petite, le bouquet de fleurs, que des beaux gosses, que des belles filles. Miss France 2022 et Diane Lair, Miss Île-de-France. Bravo, bravo à toutes les Miss qui ont participé. Tahiti était pas mal aussi, Martinique aussi. Ouais. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio, l'artiste qui arrive. Et puis 1986, Les Démons de Minuit. Ça va vous rappeler forcément de bons moments. Belle journée et bon réveil sur le 96 de FM. J'adore l'été 86, ça va nous rappeler des bons souvenirs. Bah ouais, forcément, 1986, 17 semaines de top 50 à l'époque. Image avec Les Démons de Minuit sur Alert Français 96 de FM, 7h10. On accueille Tristan au téléphone. Allez, on envoie du son. Son rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Bonjour Tristan, pardon, Christian. Tristan, ça va? Bonjour Franck. Ça va la forme? Bah écoute, comme à chaque fois que je t'appelle, du coup je suis encore dans le boulot. Mais ah ouais, tu bosses dans la sécu toi, c'est de nuit, c'est ça? Ouais, j'étais de nuit, voilà, comme d'habitude. Ah ouais, on est lundi matin, tu fais quelle heure? Tu fais 12 heures je crois de vacation, c'est ça non? C'est ça, ouais, vacation de 12 heures là, donc... Alors c'est vrai que les vacations de 12 heures c'est bien, tu travailles quoi, 2-3 jours, après t'es en repos, c'est ça non? C'est un peu comme ça? Ouais, bah là je suis en repos à partir de 7h15 normalement. dans 4 minutes. ouais, bah voilà, mais bon là pour aujourd'hui je vais dépasser un tout petit peu, c'est exceptionnel. Exceptionnellement on t'autorise ouais, à dépasser. Bah de toute façon ouais, là c'est le ravitaillement pour l'essence et puis... Le petit lavage de la voiture. Ah ouais, le lavage, bah oui, c'est important, faut quand même donner une voiture propre et puis au moins qu'il y ait le plan. Ça, c'est le minimum. Donc le week-end a été boulot pour toi. T'as suivi un peu les Miss France, non? Même à la radio, non? J'ai entendu les Miss France aussi. Ouais. Hop. C'est. Bah tous les ans c'est pareil. Hein. C'est ouais, moi j'arrive quand même à les suivre malgré tout, mais bon. T'avais une préférée toi cette année, non? T'avais une préférée ou pas, non? Moi, je reste toujours fier à ma région, ouais. Natale, donc le Normandie. D'accord. Bah ouais, et la Bretagne. Miss Normande. Ouais, c'est toute mignonne, hein, faut dire. Je crois que c'était l'année dernière, si je me trompe pas, ou il y a 2 ans, qu'elle avait été élue, il me semble. Ouais, peut-être. Oh, je suis pas vraiment en ça de près, moi. Donc, je suis pas de très près non plus, hein. Mais je veux pas faire comme comment qu'elle s'appelle, Madame de Frontenay, mais bon. Ouais. Je sais même pas si elle est encore là. Aussi, bah de toute façon, non, aussi, parce qu'elle fait partie, c'est la fondatrice de Miss France. Ah ouais, bah comment ça, elle commence à prendre de la bouteille là, l'ancienne là, quand même. Ouais. Bon bah écoute, on va souhaiter un bon repos, Tristan, hein. Ouais, bah je suis arrivé à la station, donc j'attends un petit peu, quoi. Ouais, bah fais le plein, hein. Tu fais le plein. Je t'emmène ma bagnole, tu feras le plein de la mienne en même temps, comme ça. Y a pas de... je te fais passer ça sur la carte de la sécu. Ah ouais, bah voilà, comme ça, le plein à l'œil, grâce à la sécu. Ouais. Bon bah, mon dodo. La carte totale gauche. Ah, ça c'est impeccable, ça. Tu vas faire un gros dodo après, là. Comment? Tu vas faire un gros dodo après. Voilà, ouais, j'en aurai besoin. Ouais, ça fait du bien, après 12 heures de nuit, tu m'étonnes. Eh bien, courage. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Belle journée, bon réveil. Allez, salut. Salut Tristan. Vous aussi, de l'autre côté de la radio, vous pouvez nous appeler 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. Voici Adèle avec Easy One Me. Belle journée sur la radio couleur. Courage à tous les agents de sécurité qui travaillent, qui viennent de rentrer. Salut Tristan. Voici Adèle. arc-en-ciel en direct ce matin, Adèle, 7h17 jusqu'à 11 degrés, c'est pas mal, hein. Quelques petits rayons de sol, mais très légers. Hey, Zélo, heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. Coucou à Elodie qui vient de se réveiller, salut Francky. Merci de nous réveiller avec de la tendresse. Ouais, ça fait du bien au réveil. Et puis le meilleur des souvenirs dans les années 80, le groupe ABBA qui revient en force avec un nouvel album en 2022. Voici ABBA, la version longue. Ah ouais, comme dans les boîtes à l'époque, on est encore ouvert. C'est Gimme, Gimme, Gimme. Belle journée. Arc-en-ciel, belle journée sous le grisaille, comme je vous le disais tout à l'heure. Salut à Doudou qui est connecté du côté d'Olivier. Salut Francky, belle journée, merci pour le son. Ah bah, gimme, gimme, gimme. L'horoscope qui arrive dans moins de 10 minutes. Et puis tout à l'heure, ils seront nos invités au téléphone. Depuis Blois, les pompiers. Non, pas les pompiers, les ambulanciers, je me trompe. Oh là là. Et les ambulanciers qui sont en colère. Bah ouais, on les comprend aussi, les pauvres. Hein. Il y a des problèmes d'argent encore. Bah ouais, toujours. Le nerf de la guerre, l'argent, eh bien, ils nous en parleront en direct. Ils veulent plus d'argent, ils veulent des conditions un petit peu meilleures. Voilà, les ambulanciers de Blois au téléphone avec nous. Ça sera en direct sur le 96.2 FM. Alors, quelques brouillages sur la FM aujourd'hui. Normalement, ça devrait être réglé dans la journée. Hein, nos techniciens sont dessus depuis ce matin 5h, ouais. Et ça va se régler. En tout cas, sur le net, hein, vous nous écoutez super bien. Avec le nouveau site qui est arrivé, ça y est, allez voir. Vous tapez Arc-en-Ciel Orléans sur Google, vous allez voir un nouveau site radio. Il est énorme, avec des belles photos. Ouais, on est beau gosse quand même. Mais c'est Kenji Girac, Conquistador, c'est le nouveau. Tu le sais déjà comme je t'adore. Tu vas pas aimer mi amor. Quand je joue, c'est pour la médaille d'or. Quand tu bouges sans lâcher mon regard, sur ta bouche j'imagine des histoires. Si tu boudes, ne le fais pas ce soir. Quand je joue, c'est jamais au hasard. Jamais fini.

7h28 minutes, belle journée, bon réveil sur le 96.2 FM. On vous le disait, hein, les petits brouillages sur la FM, 96.2, les techniciens sont dessus, ça devrait retourner à la normale dans la journée. En tout cas, vous pouvez nous écouter sur le lien internet, hein, Radio Arc-en-Ciel Orléans, le nouveau site internet qui est magnifique, du son qui arrive avec Sarah H. On adore cette fille, elle fait que des covers, elle est magnifique. Salut à José qui est connecté du côté d'Orléans. Salut Francky, belle journée avec du son Bamba Latine. Sarah H, je serai là, c'est sur la radio FM. Je ne connais pas encore tes rêves. Oui, mais je les devine au fond de moi. Si jamais tu tombes et te relèves, dans la vie c'est ce qui te sauvera. Ils te diront des choses, pas toujours pour ton bien. Il faudra que tu oses suivre ton chemin. Pas toujours facile, mais il faudra écouter ton cœur. Et malgré tout ce temps qui défile, veille à toujours penser à ton bonheur. Ils te diront des choses, pas toujours pour ton bien. Faudra que tu oses suivre ton chemin. Sarah H, on adore cette fille à la radio. Du son Caliente pour vous réveiller. 7h31, bon lundi. Miss France, elle est arrivée 2022. C'est Diane Ler, la Miss Île-de-France. Bravo, bravo. Ouais, ouais, elle est pas mal. Voici Daddy Yankee, le que passo passo. Ella. J'adore ce morceau. Isabelle qui est connectée du côté de Saint-Jean-de-Bray. Salut Francky, merci pour ce son latin le matin. Daddy Yankee, Lo que paso, paso. Et une version que je viens de trouver, qui est superbe d'ailleurs, l'italien. Claudio Capeo, parce que vous savez qu'il est italien, on reprend à merveille Umberto Tozzi et tout, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Écoutez, c'est la grosse nouveauté, mais aussi Claudio Capeo qui reprend tout. On adore. Belle journée et bon réveil. 7h35, c'est La Voix en Or. Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma più, ma tu, perché tu non ci sei, e mi sto spogliando tu, quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu, ma va là, che lo sai, ti sta da vicino tu. Sei più bella che mai, facci da un minuto tu. Non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu. Chi mi brucia sei tu, e anche la mia marcia in più. Ed un po' di follia, quanto basta perché tu. Come lei non sei mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fosse una canzone. Una saponetta che scivolando non c'è, dimmi che da un'ora tu hai bisogno di me, che ci ossigeno di più, dimmi che non sei tu un miraggio ma sei tu. Hey, je vous ai vu chanter dans la voiture. Ouais, ouais. Quel souvenir ça, Umberto Tozzi dans les années 78. Avec tout, belle reprise de Claudio Capeo, l'italien, version acoustique. Et on adore sur la radio couleur, ça vient tout juste de tomber. Là, dans les studios, ouais, Claudio Capeo. Les ambulanciers de Blois seront au téléphone avec nous dans moins d'une heure. Ils revendiquent plein de choses. On en parlera avec les responsables tout à l'heure en direct à la radio. Heureux d'être là. Et la météo pour aujourd'hui. La météo. La météo, ce matin, le ciel est couvert, nuageux. Quelques petits rayons dans le sol aujourd'hui, mais très timide. Les températures au lever du jour, un petit degré sur Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Olivet. On ne dépassera pas les 11 degrés à Saint-Cyr-en-Val, Laye-en-Val ou encore La Chapelle, Saint-Mémin. Belle journée, 7h39 minutes. Coucou à Sam qui est connecté. Salut Francky. Belle journée à toi. Merci de reprendre un petit peu la radio. Ouais, je vous ai manqué apparemment. Voilà, je suis là, mon petit Sam. Et ne ratez pas les ambulanciers de Blois tout à l'heure vers 7h40 en direct. Louisie, Joseph avec Lincha et Fanny. La musique dans la peau, ça arrive, c'est la prise des Maldon. La musique dans la peau. les années 90, ça nous rappelle des bons moments musicaux. Ah ouais, avec Maldon, la reprise par Louise Joseph, Lincha, Sweetie et Fanny. Ça rappelle des bons moments, ça. C'est ce que nous dit Isabelle sur le net. Ah ouais, j'ai dansé là-dessus, j'ai fait la fête là-dessus dans les boîtes. Bientôt la réouverture promis. La version de Portugal de Jérusalem par Berta da Cunha. Oh, bon dia la famille. Oh, on réveille. On adore cette version. Au Portugal, Forza. Salut la famille. 7h43 minutes. Oh, Jérusalem. Jerusalém é o meu lugar, e agora eu sei. Deixes aqui, quero sair, é o meu lugar. E agora eu sei, salva-me. Não me deixes aqui, Terra Santa, Reino de Deus, imploro, prepara-me. Reino de Deus, imploro, prepara-me. E agora eu sei, Ele ama a ti também. Les trompettes dans les titres en ce moment là. Hein, Jérusalem, la version de Portugal, Bandia la Familia, 7h47 minutes. Salut à Adriana, connectée du côté de Saint-Jean-de-Bray. Merci Francky d'être là. Ça nous fait plaisir avec cette version de Portugal. On vous rappelle des petits travaux sur la FM en ce moment là, qui vont être réglés dans la journée. Hein, vous inquiétez pas, mais vous pouvez nous écouter correctement sur le net. Et ouais, on est là la famille. Arc-en-ciel, ta radio Bandia soleil, dès 7h à 9h. Et tu un time, chi un tu un time. Voici Flavel and Nathan sur la radio couleur. Belle journée, courage à vous si vous allez bosser. Eu quero tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, t quero tchu tchá tchá tchu tchu tchá tchu tchá tchá tchu tchu tchá. Viens danser dans mes bras sexy tout contre moi. Tu es ma beauté des fils, tu le sais, je suis à toi. Tu m'illumines quand il fait chaud, tu sais danser tchu tchá tchá. J'aime jouer au quai la mise, mais je te laisserai gagner au final. Et au matin, ça se fond. On sait plus que dans quelle langue c'est en fait ça. Ouais. Flavel Neto, Chucha, Chicha, John Teng Teng, Isabelle, Emilie aussi qui est connectée. Salut la famille, salut les zinzins le matin, merci d'être là. Ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, on va pas dépasser les 11 degrés côté météo, pas mal de nuages, quelques rayons de sol, mais très timide. C'est pas grave, le son de la Guadeloupe qui arrive et ça va faire du bien de zouker, zouker un petit peu. Un petit clin d'œil à Jacob Desvarieux, ça nous fait plaisir ce matin. Sous-classe, c'est ça le médicament, placer ses médicaments nous ni. Ça, comme ça. Pas déconnecte, c'est que la salle. En moins temps là, moins pesa, comprends. En moins plan là, pour qu'on saisisse. Si jamais un jour m'en tombe malade. Sous placer ses médicaments nous ni. Placez ces médicaments nous ni. Sous placez ces médicaments nous ni. Sous placez ces médicaments nous ni. C'est Francky avec le son là, créole qui nous réveille, Kassav, Zouklassé, c'est le médicament Nouni, c'est le petit clin d'œil à Jacob Desvailleux qui nous a quitté il y a quelques mois. On va être là, Josette qui nous dit sur le Messenger, Francky, faites vivre les petits commerçants, la proximité, c'est super important. Bah ouais, allez voir vos petits commerçants autour de chez vous et faites-les vivre pour les cadeaux de Noël par exemple, des bonnes idées. Voilà, si vous avez des idées de cadeaux, bah appelez-nous si ce matin. 02 38 43 48 00, le meilleur des souvenirs, France Gall. 7h, 9h, c'est Francky dans la radio avec France Gall. France Gall qui était l'ex de Claude François. Ouais, ça c'était dans les années 70, hein, je crois. Ouais, la même gueule. Gagné l'Eurovision, je crois, avec Poupée de cire, Poupée de son. C'est Francky dans la radio. Ah ouais. En plus, elle a quitté Clo-Clo. Elle était pas contente. Elle était pas contente, non, pas du tout. L'horoscope qui arrive sur Radio Arc-en-Ciel. L'horoscope, c'est maintenant. L'horoscope, et on démarre avec les béliers. Ce matin, vous avez besoin de faire le point pour mettre de l'ordre dans vos idées et dans votre vie. Les taureaux, pétulants et malicieux, vous pourrez aspirer à un bonheur sans nuages ce matin. Les gémeaux, ne vous focalisez pas exclusivement sur votre partenaire, vous risquez de l'étouffer. Les cancers, vous serez prêts à faire des concessions en couple, il serait heureux que votre partenaire s'en rende compte quand même. Les lions célibataires, vos idées romantiques vous empêchent de voir un détail capital pour votre avenir. Les vierges, vous aurez du mal à comprendre votre partenaire aujourd'hui. Ses réactions ne seront pas les mêmes. Eh ouais, surveillez-le. Les balances, vous serez de plus en plus prévoyants, ce qui vous permettra d'avoir plus de temps à vous consacrer à vos proches. Scorpion, oh là là, vous êtes en retard sur les cadeaux de Noël. Alors dépêchez-vous parce que ça part vite dans les magasins et puis mal apprévisionné en ce moment. Eh ouais. Les sagittaires, célibataires, vous vous résouliez forcément à devenir adepte à la gourmandise et au sucre, méfiance pour votre santé. Ben ouais, le sucre c'est pas forcément bon hein, pour la santé. Les capricornes, vous allez avoir l'opportunité de rendre service à votre partenaire. Ne laissez pas passer l'occasion aujourd'hui. Les Verseaux, ne sautez pas à pieds joints dans un conflit familial. Sachez mesurer. Eh ouais, avec le temps, on arrive à mesurer. Et les poissons, vous avez de très bonnes intuitions aujourd'hui. Il serait dommage de ne pas les suivre. Belle journée, 8h avec l'horoscope. Et puis, nos ambulanciers de Blois qui sont en colère seront au téléphone avec nous vers 8h40. Ils vont nous expliquer un petit peu leurs revendications. Ouais, on veut tout savoir ce matin. Et il faut les aider. Il va falloir les aider. Un peu de douceur et de tendresse. Un mec que j'adore. Eh ouais, pas mal d'interviews avec lui. Sly, avec Flamme. Quel souvenir sur la radio couleur. Je tremble de passion comme une feuille au moindre frisson quand tu es là près de moi. L'amour est un poison que je consomme avec des raisons rien. L'amour que j'ai pour toi est éteint comme une... 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Hey, tá tudo bem, tudo bem, tá tudo bem. Vamos ver si tout tá bem. Bem, bem, bem, bem, bem, bem. Y'en a qui sortent en équipe, avenue Montaigne, France en premier. J'suis avec ma go en fourraillé au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un prototype, faut assumer. Elle est tellement douce, obligée de faire dans la durée. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de baratin. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un baratin, tu traînes dans un baratin. Mamma fiosa, mamma fiosa. Assim você me mata. Et voilà que je parle en portugais. Mon amour commence à se mesurer. Elle me rend fou, je suis torturé. Je pense que la suite sera censurée. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Chave com é que tá tudo bem. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Chave com é que tá tudo bem. É mafiosa. É mafiosa. C'est moi qui chante, on va le cacher à tous mes potes qui rentrent. On est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50 et on est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Chave como é que tá tudo bem. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Chave como é que tá tudo bem. É mafiosa. C'est elle qui nettoie mes armes. C'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. É uma rocânia brasileira. Se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Vai, tudo bem. On vous le rappelle, hein, sur la FM, il y a quelques petits travaux en ce moment. Ça va être établi dans la journée normalement. Donc soyez patients, sinon sur le site internet radioarc-en-ciel.fr. Tudo bem, Carolina, avec l'artiste. Bon anniversaire à Katia aujourd'hui. Happy birthday, my love. Voici Matt Houston. Happy birthday. Bien soufflé, c'est le chic. On est entre amis. Happy birthday. La poisson pour la fleur. Chin, chin, happy birthday. Que tu sois enfermé entre nous, en fleurie, on pense à toi. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Matt Houston, c'est quand ta cadeau traverse le cœur. Tout le monde est debout et se lève. Tu bouges, t'entends ce top, ok. Happy birthday.

what she love and what she need. Sweet song, call what the young girl need. Sweet song, call what she love and what she need. Sweet song, call what the young girl need. So come what the love what they need. Sweet soca is what the poor girl need. Selling out fast, I just can't believe. A soca leave. England start dream again. So come what the love what they need. Sweet soca is what the poor girl need. Selling out fast, I just can't believe. A soca leave. England start dream again. Heures, 9h, le matin c'est bien et c'est Frankie. Arc-en-ciel. Appelle le 02 38 43 48 00. I get wings to fly. Oh, I'm alive. I can touch the sky. Allez, à conseil, 8h22. Elle était pas mal sur la vidéo encore à l'époque, hein. Céline Dion, la Caribou, I'm Alive, le meilleur des souvenirs. Ouais, ouais, il nous a quittés il y a 10 ans. Oh là là, ça passe. Barry White, quelle voix, quel bonhomme, quel personnage. Let the music players. Quel artiste, quel chanteur, quelle voix surtout, quelle scène. Eh ouais, monsieur Barry White, j'ai envie de dire ce matin, Late the Music Play, et puis ça y est, dans deux jours, c'est le jour de Noël. Alors on s'est dit ce matin, on va vous faire le Père Noël avec des chansons de Noël. Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Belle journée et bonne fête de Noël. Toute l'équipe de la radio vous souhaite une très très bon lundi. Jusqu'à 11 degrés avec la belle Mariah Carey. All I Want for Christmas is You. Bon dia. I want for Christmas is you. C'est bien le Père Noël. Salut Josette qui est connectée du côté d'Orléans. Salut Francky, belle journée. Merci pour la petite Maria Carré. On est là jusqu'à 9h, 8h35. Les ambulanciers de Blois seront avec nous en direct pour parler de leurs revendications. Et puis ils ont besoin de parler. Bah, on va leur laisser l'antenne pendant 3-4 minutes. Voici l'artiste Kachou, Kachou. Belle journée. Courage à vous si vous allez bosser ce lundi. On est le 13. Bon anniversaire. Bon anniversaire. L'artiste baby. Tu m'as vu, je t'ai vu, mais quand est-ce qu'on se voit? Je t'observe bouger, tapis dans le noir. Je veux bien essayer à prendre quelques pas. Hey, tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Ça se voit. Hey, hey, tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Ma terre sur ton chemin, tu les ignores, attends-toi t'es en gêne. Sans sommation t'envoie dans le coma. Et tes victimes se comptent par centaines. Pas la peine de tenter de m'assommer. Il ne faut jamais dire fontaine. Pour l'instant je t'ai pas promis le sommet. Je t'ai juste proposé un cocktail. Et de Panama des chaos. T'as les kata kameno chaos. Doucement, doucement, juste au chaos. Ce soir je ne serai pas ton pao. Et de Panama des chaos. T'as les kata kameno chaos. Doucement, doucement, juste au chaos. Ce soir je ne serai pas ton pao. Tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Ça se voit. Ça se voit que t'aimes danser le matin dans la voiture, dans les bouchons peut-être. Bah ouais, hein. Ça bouge encore ce matin sur Orléans. Direction Blois dans moins de 10 minutes avec justement les ambulanciers en colère. Voici celle qu'on adore à la radio. Juliette Armané, le dernier jour du disco. Le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main. C'est la fin. Le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais thank you. ça on adore hein, sur la radio couleur. Juliette Armanet, le dernier jour du disco. Non, c'est pas encore fini le disco, ça fait que commencer d'ailleurs. D'ailleurs, bientôt le retour des discothèques. Bah ouais, normalement le 7 janvier. On prie pour eux, on prie, on croise les doigts. Le meilleur des souvenirs sur la radio couleur, Cock Robin. When your heart is weak. Belle journée et bon réveil. En direct ce matin, 96.2 FM. Heureux d'être là. Salut à Mathieu qui est connecté du côté de Saint-Jean-de-Bray. Salut Francky, merci d'être là le matin avec Coach Robin. When you heard this week, notre invité qui arrive, les ambulanciers. Ils sont là de Blois, on les prend tout de suite au téléphone. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Pimpon, j'ai envie de dire, les invités du jour, c'est les ambulanciers de Blois. Ils sont avec nos téléphones. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin avec ce petit froid, un petit degré, ça caille un petit peu. Hein. Ça va. On a connu plus pénible. On a connu plus pénible. Les ambulanciers de Blois en colère, les gyrophares à fond, les sirènes hurlantes. C'est à peu près le principe. C'est ça. Et heureusement que vous êtes là. Et on vous soutient depuis toutes les radios en France. Dites-moi, comment on peut donner le prénom à l'antenne ou on donne un autre prénom? Ouais, non, on va dire que c'est le collectif de Juste Secours. Voilà, le collectif. Qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui? Ça fait quelques jours, vous êtes déjà dehors. C'est le huitième jour aujourd'hui. Huitième jour, aujourd'hui lundi. Ouais. Et voilà. Vous avez fait un petit abri, j'ai vu ça, sur les réseaux sociaux. Oui, ouais. Oui. On est bien installé. On est prêt à tenir un petit moment parce que le patron n'est pas prêt de céder et nous non plus. Donc, Ah ouais, donc ça va être compliqué. Alors aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous voulez, le collectif? En fait, on attend une petite augmentation de notre taux horaire. Aujourd'hui, on est à 11-11 pour les diplômés d'État et le SMIC pour les auxiliaires. Mmh. Donc nous, pour 11-11, on voudrait 12 euros. D'accord. Brut, hein, bien sûr. Et les auxiliaires, les passer de 10,48 à 11,32, ce qui n'est pas excessif en soi, ouais. Pour la pénibilité en fait du travail qu'on a. Ouais, beaucoup de travail en ce moment, en plus avec le Covid, donc ça a dû augmenter un petit peu. Hein. Le ça va en ce moment, mais on a été au front pendant très longtemps, c'était usant, et je pense que la reconnaissance, on ne l'a pas aujourd'hui en fait. Alors, quel est le dialogue aujourd'hui justement avec la direction, quand vous lui parlez d'augmentation, etc. Qu'est-ce qu'il très compliqué. Ouais. En fait, on avait fait un premier courrier donc pour dénoncer un petit peu les temps de pause trop longs par rapport aux amplitudes qu'on a, les temps de repos pas assez longs justement, enfin quelques petits trucs comme ça qui n'allaient pas, et une revalorisation du taux horaire. On a demandé une réunion avec notre patron, il nous a dit oui sur le coup, donc on est venu à 8 du collectif. Et puis arrivé là, il n'en voulait qu'un seul en fait dans le bureau, ce qui est bien plus simple pour lui. Ouais, bien sûr. Donc, on a refusé parce qu'on sait très bien comment il fonctionne. Ouais. Donc on a décidé de se mettre en grève. Jeudi dernier, on a été reçu dans son bureau. Clairement, c'est non. Ah, c'est clair. Ouais. Il reste ça sur. Ça lui coûte trop cher. Ça lui coûte trop cher. Ouais, trop cher. Bon, après il y a quand même le boulot qui est fait. Il y a comme vous le dites, c'est un boulot qui est assez entre guillemets pénible. Hein. C'est vrai aussi. Hein. Vous êtes sur le front en permanence. C'est des heures longues, c'est la route, c'est des ports de charge lourdes. C'est pas juste transporter quelqu'un d'un point A à un point B. On prodigue aussi les premiers soins au même titre que les pompiers. Donc on n'est pas trop reconnu quoi. D'accord. Vous êtes situé où à Blois là en ce moment? 11 rue des Arches, exactement. Là, vous êtes 11 rue des Arches, on peut venir vous voir, vous soutenir quand même. Sans problème, on a du café, des gâteaux, tout ce qu'il faut. Voilà, bah si vous êtes du côté de Blois, même si vous allez travailler, je sais qu'il y a beaucoup d'Orléanais qui vont bosser du côté de Blois, allez leur rendre visite aux ambulanciers. Il y a une pétition, quelque chose à signer, non? On peut pas... Pas forcément, on a une cagnotte pour essayer de subvenir un petit peu, mais... Mais après, non, ajoutez-nous sur les réseaux sociaux, ambulanciers de Blois en grève, sans problème. Comment ça va se passer les prochains jours là, la négociation justement, s'il veut pas négocier, on va faire nous techniquement on va tenir en fait parce que c'est tout bénef pour nous. On a eu une réquisition préfectorale dès lundi soir, donc les gendarmes sont venus chez nous pour nous obliger entre guillemets à travailler, à assurer un service. Et puis, du coup, on est quand même payé en faisant grève, c'est magnifique. Ah, c'est bien. Donc vous allez tenir un moment alors, ouais. Donc on peut tenir très longtemps et puis on a la tête dure. La tête dure justement, mais comment il va faire le patron s'il n'y a plus d'ambulancier du côté de Blois là, avec pour cette société? Pour l'instant, ça a pas l'air, d'après ce qu'il dit, ça a pas l'air de l'impacter. D'accord. Tout le monde fait grève ou alors il n'y a qu'une partie ou comment? Pour l'instant, on est exactement 10. Donc sur combien après, on attend. Comment? Sur combien? Sur aller, on va dire une bonne quarantaine. Ouais, déjà, bon, il en manque un petit peu quand même. Ça fait quand même un quart des effectifs, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est beaucoup. C'est une grosse boîte alors, 40 ambulanciers quand même. Oui, c'est la plus grosse boîte du Loir-et-Cher et c'est pour ça qu'on se permet de râler parce que on a le monopole sur toutes les courses, sur tout ce qu'il y a dans le Loir-et-Cher. Ouais. Et nous, on n'est même pas revalorisé. Chez les autres sociétés, ils y arrivent très bien. Ouais. Moins d'employés, moins de rendement et pourtant, ils y arrivent. Ils y arrivent. Vous êtes soutenu par qui à Blois? Est-ce qu'il y a des élus? Est-ce que le maire de Blois, vous avez contacté la mairie, les élus de Blois? On avait contacté la préfecture, on avait envoyé un courrier à la mairie pour prévenir de notre grève. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour. Mmh. C'est pas un problème, on va les relancer. Mmh. On a eu un article dans l'ANR. Ouais. Donc après on a quelques élus dans notre page Facebook quand même, on a quelques soutiens, des messages, Et le maire de Blois, vous l'avez eu le maire de Blois, non? Malheureusement non, pas encore. Vous n'allez pas l'avoir. On tente espérer que qu'il vous soutienne un peu, au moins qu'on puisse le rencontrer et qu'il nous donne son point de vue. Ouais. Ça pourrait être bien, on va le relancer, je pense. D'accord. Donc les négociations sont toujours en cours avec la direction en ce moment? Jeudi soir, je ne sais pas si on peut appeler ça des négociations, ça a été un échange, je m'arrête là, mais je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il aura décidé de vouloir négocier. Peut-être qu'on le relancera pour d'éventuelles négociations, mais s'il est toujours contre, on repart sur le trottoir d'en face, on est bien. Bien sûr. Vous avez contacté un peu les France 3 aujourd'hui? C'est en cours. C'est en cours, il faut les contacter. Cours, Les radios aussi, France Bleu, qui peuvent vous dire. FM, tout ça. Voilà, ça serait bien. Déjà passé apparemment, le mouvement est passé sur Vibration. Ouais. Donc, ouais. Ça se bouge un petit peu pour vous alors. Bon, écoutez, on va vous soutenir de loin, nous. C'est ce qu'on peut faire, puis lancer un message à tous les Orléanais qui vont bosser sur Blois, aller leur rendre visite, les soutenir, et puis pourquoi pas donner un peu dans la cagnotte. Voilà, les ambulanciers de Blois sont en colère. Ils le méritent, je pense, parce qu'ils ont un sacré boulot. Merci de votre témoignage. Bah, merci beaucoup. Merci, passez une bonne journée. Hein. J'espère merci. Que vous arriverez à vos fins. C'est ce qu'on espère on pour espère. Vous. On espère. Merci. On espère très bonne merci journée. Beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. En direct à la radio, n'hésitez pas à aller soutenir hein, tous les ambulanciers de Blois, puis les ambulanciers en général. Voilà, allez faire un petit tour du côté de Blois si vous allez bosser, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont bosser à Blois. Ouais, ouais, moi j'en connais pas mal, moi. Allez, allez, courage. Pimpon, pimpon. Ben ouais, ils le méritent en plus. Ils ont un sacré boulot. Voici Lucenzo avec Don Omar et Big Ali et Vandassa Kuduro. Belle journée et bon réveil sur la Radio Couleur. C'est l'hymne du Portugal. Bon dia la famille, 8h48, je vous laisse jusqu'à 9h avec vous. Hein. Et Claude Capéo qui reprend Renault, ça arrive avec Morgane de Toi. Et puis, oh, Amor, Amor, là, sur la Radio Couleur. Belle journée. Courage à Pascal qui va bosser du côté de Saran. Salut Pascal, bon courage. Il y a un Mario, il a au moins 4 ans. Il veut te piquer, t'appeler ton saut. T'accouches que là, avec les bons becs dedans. Lolita, défends-toi, fous-y un coup de râteau dans le dos. Mmh.